Chers frères et sœurs, chers amis, en ce cinquième dimanche de Pâques, particulièrement dans le texte de l'Évangile de Saint Jean que nous venons tout juste d'écouter, nous sommes appelés à contempler la sainte vigne du Père. Et aujourd'hui, la vigne et les sarments nous parlent de la relation du disciple avec son maître et avec celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père de Jésus et aussi, bien sûr, notre Père. Comme tout bon vigneron, le Seigneur émonde une partie du bois pour concentrer la sève et faire produire aux ceps des grappes plus nombreuses. Quand on taille la vigne, les vignerons nous disent qu'elle pleure. Une sève abondante s'écoule avant que la cicatrice du bois ne se referme. Et ici au Québec, on peut vivre la même expérience. Si vous allez, avant que, durant le temps des sucres, couper une branche d'un érable, vous allez voir que l'érable va pleurer. Tant que sa cicatrice ne sera pas faite. Alors, voyez comment c'est symbolique, comment ça a beaucoup de sens. Et Jésus, le premier, subira dans sa chair les exigences de l'émondage. Jésus, sur la croix, a été transpercé à cause de nos fautes, à cause de notre péché. Et le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. En deux verbes, Jésus nous dit ce qu'il attend des sarments. Il leur faut demeurer dans le Christ vigne et produire du fruit. Donc, demeurer et produire. Deux verbes clés dans cet évangile. Le verbe demeurer qui revient 8 fois dans les 4 versets qui suivent cette expression. Et cette attitude, ce verbe « demeurer » décrit l'attitude de foi. Le croyant, la croyante, est véritablement greffé sur Jésus comme un sarment sur la vigne. Et c'est lui, Jésus, qui imprègne de sa vie divine les sarments que nous sommes. La sève qui nourrit chaque cep n'est autre que l'Esprit Saint qui vivifie la vigne tout entière et qui garantit sa fécondité. Comme chrétienne et comme chrétien, nous sommes appelés à rendre témoignage à celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous a définitivement sauvés de la mort et nous a ouvert le chemin vers le Père. Et c'est en recevant l'Esprit Saint, cette force qui vient de Dieu, que nous deviendrons de plus en plus capables de témoigner de notre foi. Et cet Esprit Saint, il nous est donné en abondance dans le sacrement de la confirmation. Et c'est la raison pour laquelle je suis au milieu de vous ce soir, pour conférer à quelques-uns d'entre vous de la communauté chrétienne, conférer le sacrement de la confirmation qui fait que, en abondance, l'Esprit Saint prend possession complètement de l'être qui le reçoit. Aujourd'hui, chers amis, qui allez recevoir le sacrement de la confirmation, vous choisissez vraiment de suivre le Christ en demandant à l'Esprit Saint d'être la présence amoureuse et permanente de Dieu dans votre vie. Dans les lettres que j'ai reçues de vous, certains m'ont écrit « Je veux confirmer ma foi en Jésus ». J'ai tout ça ici écrit, là, une après l'autre, là, toutes vos lettres résumées ici. Il y a toutes sortes de belles expressions et de choses que vous avez perçues en vous préparant à célébrer ce sacrement ce soir. D'autres encore ont signifié que le fait de recevoir l'Esprit Saint pourrait les aider à passer à travers les moments plus difficiles de la vie? Qui n'en a pas de moments difficiles dans la vie? Qui n'a pas non plus de moments difficiles dans la foi? Moi, le premier? C'est pas simple de croire. C'est pas simple d'avancer sur le chemin de l'Évangile. C'est une exigence fort importante et l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui nous est donné dans le sacrement de la confirmation, nous aide justement à demeurer ferme dans la foi, à continuer de suivre le Christ, à être témoin de sa mort et de sa résurrection. L'Esprit Saint nous rend capables de témoigner de notre foi et c'est absolument au cœur du sacrement de la confirmation et c'est au cœur tout simplement de la vie chrétienne, de la vie de tout baptisé. Beaucoup d'autres expressions, bien sûr, aussi se retrouvent dans vos lettres reçues et pour laquelle je tiens à vous remercier bien sincèrement. Bien sûr, il y en a qui ont dit tout à l'heure en vous rencontrant, j'ai compris à nouveau ce que vous aviez exprimé. Certains ont dit, nous on veut se marier à l'Église, moi je veux que mon union avec celui ou celle avec qui je vais m'épouser, je veux le vivre en Église. Donc, c'est un beau projet qui se trouve au cœur même de la vie chrétienne. D'autres acceptent, ont fait le choix aussi d'être parrain ou marraine. Parrain puis marraine, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire accompagner. Ça veut dire soutenir dans la foi celui pour qui j'accepte d'être le parrain au jour de son baptême. Et donc, c'est pas une décoration, c'est quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose d'important et que vous devez accueillir avec responsabilité. Il y a eu d'autres belles expressions, je ne les reprendrai pas toutes parce qu'on pourrait rester longtemps encore, mais il y en a une que j'ai pas vue. Dimanche passé, c'était le Journée mondiale des vocations. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Et j'ai confirmé dans d'autres églises aussi. Et je n'ai pas vu nulle part dans les désirs d'être confirmé, les motivations. Personne ne m'a dit « je vais être prêtre ». Ben, c'est quelque chose, hein? Je nomme ça parce que c'est important. C'est important pour la vie de l'Église. C'est tellement important que s'il n'y avait pas de prêtre, il n'y aurait plus d'Eucharistie, puis il n'y aurait plus d'Église. C'est fort. Alors, il faut qu'on y réfléchisse ensemble et que l'Esprit du Seigneur nous aide justement à ouvrir notre cœur à cette possibilité. Que l'Église, pour que le Seigneur continue de faire vivre son Église à travers des personnes qui vont donner leur vie à sa suite pour le manifester au monde, pour continuer de l'annoncer, pour continuer de célébrer l'Eucharistie. Vous savez, je fais un petit aparté à partir de l'Eucharistie. Quand notre archevêque, le cardinal Lacroix, a fait la lettre pastorale sur les liturgies de la parole sans Eucharistie, c'était pas pour rien. C'est pour dire que c'est pour nous faire désirer justement l'Eucharistie, pour que jamais on perde de vue le ministère presbytéral, le ministère des prêtres dans l'Église. Parce que c'est fondamental. Et ce serait tellement facile de dire qu'on consacre toutes les hosties à la cathédrale pour les envoyer partout dans le diocèse. Mais c'est pas ça, l'Église. C'est important de saisir ça. Et si jamais il y a des gens que vous rencontrez qui vous disent « Ah, oh, le cardinal, il est à côté de ses pompes », hein? Alors vous pourrez dire « Ben, il y a des raisons pour ça ». Et c'est très important, je le dis, au cœur de cette célébration, parce que vous êtes nombreux à m'écouter, puis vous avez l'air bien attentifs, je suis bien content. Hein? Alors je demande au Seigneur, dans cette Eucharistie, particulièrement pour ceux et celles qui vont recevoir le sacrement de la confirmation, de garder leur cœur ouvert, ouvrir leur cœur à cette grâce des dons de l'Esprit-Saint qui vont vous être donnés en abondance au cœur de cette célébration de ce soir. Chers amis, l'amour de Dieu souffle où il veut. Disposez vos cœurs à accueillir le don de l'Esprit-Saint qui va vous donner l'audace, comme ce fut le cas pour les apôtres au jour de la Pentecôte, d'être envoyés en plein monde pour y être les témoins de la résurrection du Christ. Amen.